Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1969. On a marché sur la Lune. Le vaisseau spatial Apollo 11 et l'astronaute Neil Armstrong viennent de changer l'histoire de l'humanité. Et sur Terre, quelqu'un a déjà produit la bande-son de cette révolution, Space Oddity. Le musicien est anglais et se fait appeler David Bowie. Il a 22 ans et apparemment, il a sorti ce titre il y a une dizaine de jours sans que personne ne l'ait vraiment remarqué. En revanche, depuis qu'un technicien de la BBC a eu l'idée d'associer sa chanson aux images de la mission Apollo 11, le dit Bowie est en pleine mise en orbite. Cet extraterrestre de la pop s'est posé en tête du hit parade britannique. Vers l'infini. Mais pourquoi avoir choisi ce titre plutôt que la BO de 2001 l'Odyssée de l'espace, sortie il y a un an, qui a évidemment accompagné les images lunaires sur toutes les autres chaînes? Avec Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss, Kubrick, le réalisateur, donnait le sentiment que l'univers s'ouvrait comme une porte poussée par les cuivres. Avec Space Oddity, c'est autre chose. Il y a la force épique, certes, mais la tragédie rose. Dans la chanson, le Major Tom, qui s'adresse à Ground Control, fait naturellement penser aux échanges radio entre Neil Armstrong et la base de la NASA. Then Scott noticed that something was wrong. The two spacecraft were not stable, now they were joined together. Sauf que quand on écoute la musique jusqu'au bout, la corde de Major Tom se rompt et, happé par un vide intersidéral, il meurt. Donc, ce Space Oddity, c'est plutôt Gravity. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, un demi-siècle plus tard, c'est que Space Oddity était autant un décollage que l'intuition d'une nouvelle dimension. Mais la compréhension de la fusée Bowie se fera par étage. Ground control to Major Tom. Sur la pochette de l'album en 69, Bowie, né David Jones, se présente sur un fond emprunté au peintre cinétique Victor Vasarely. Moi, j'estime que tout art authentique, n'est-ce pas, est l'art de son temps. On ne peut pas faire du gothique aujourd'hui, on ne peut pas faire du baroque, on ne peut pas faire du cubisme, on ne peut pas faire du surréalisme aujourd'hui, parce que toutes ces tendances, toutes ces formes d'art avaient leur propre époque, leur propre nécessité, n'est-ce pas, et surtout leur propre public. Ancien étudiant des Beaux-Arts, Bowie s'était donc associé à un leader de la révolution des formes. Chez Vasarely, comme chez Bowie, l'opposition entre culture d'avant-garde et culture populaire n'existait pas, et au fond, toute opposition binaire devait être dépassée. Daniel Salvatore Schiffer, philosophe et essayiste, spécialiste du dandysme. Bowie a cette idée géniale aussi de faire en sorte que les murs tombent véritablement, les murs des idées, la libération va jusque-là. Space Oddity, c'est un voyage intersidéral à travers l'espace et le temps, où les frontières intellectuelles, les frontières entre les êtres, les clivages, les oppositions tombent, tous les dualismes, pour entrer dans une pensée beaucoup plus universelle, beaucoup plus spatial, beaucoup plus ample, beaucoup plus démocratique aussi. Il y a chez Bowie aussi un fond pratiquement révolutionnaire. Et donc, il se sert de ce tableau de Vasarely, qui est devenu mondialement célèbre maintenant, pour en faire la couverture de son album Space Oddity. C'est une manière de visualiser, d'illustrer cette quête qui a toujours existé chez lui, c'est-à-dire de transcender les genres, de transcender les clivages, de transcender les oppositions pour arriver dans une pensée plus globale, appliquée dans son cas au niveau de l'art et singulièrement de la musique. Space Oddity est donc autant un décollage qu'une chute des murs. Juste après le Sgt. Pepper des Beatles, un album pop se devait certes d'être incarné par un visuel conceptuel. Mais le choix de Vasarely, peintre d'origine hongroise en pleine fissure du bloc soviétique, était un signal éminemment politique. Donc il y a vraiment un lien entre l'époque de Space Oddity avec la pochette de Vasarely hongrois, occidentalisée bien sûr, et Heroes, Hello et Lodger, qui sont des albums concept faits à Berlin, qui est une fenêtre sur l'Est. Ce qui l'intéresse dans le côté sidéral de Space Oddity, dans le côté spatial, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de mur dans cet univers-là. C'est un univers infini. Et donc là, il y a vraiment chez Bowie, au-delà de l'aspect esthétique et artistique, une vision, je dirais politique au sens noble et large du terme. Il y a une vraie vision philosophique. Eh bien, Bowie est un oxymore vivant. Il est ce clair-obscur en chair et en os. Il est ce clair-obscur artistique. C'est pour ça que je dis qu'il est le dandy absolu, parce que l'oxymore est peut-être la figure en linguistique, mais aussi en esthétique, qui définit le mieux le dandy, c'est-à-dire l'opposition entre les genres pour entrer dans une nouvelle et troisième dimension. C'est ça l'oxymore. Et Bowie, il est vraiment ça. Et en fait, l'oxymore, c'est la disparition des opposés. Et il y a chez Bowie une esthétique de la disparition. Bowie, il est mort. On ne sait pas où il est. Il n'a pas de mausolée, il n'y a pas de tombe où aller se recueillir. Il n'y a pas d'emplacement, c'est un objet, il est devenu un objet purement métaphysique, qui ne vit qu'à travers son œuvre. Black Star est un testament spirituel. Et un tombeau métaphysique, un tombeau musical. C'est ça qui est intéressant. Exactement comme Major Tom.